panique, secoue ce pyramide, balise en un éclair, sans défaire comment faire, tous en charter, en classe à faire. Aide aux conflits ethniques, lancé en un seul clic, et conscience pas très claire, adieu l'humanitaire, tous en charter, en classe à faire. Sous le baobab, sur la peau jungle beat, courir encore plus vite, tous en charter, en classe à faire. Les trafics implicites, aux profits illicites, bon go à tous ces fans, pour fuir c'est à la rame, tous en charter, en classe à faire. Quand sont remplis les soutes, sonne l'heure de la déroute, tous en charter, en classe à paix. Sans papier, c'est moins cher. C'est pas le ministère sans papier, c'est moins cher. Tous en charter, moins cher. En classe à faire.